L'esclave et le lion. Androclès était un esclave qui avait réussi à échapper à son cruel maître. Se déplaçant silencieusement à travers la forêt, il rencontra soudainement un lion. La peur le saisit et il commença par s'enfuir loin de la bête féroce. Après seulement quelques pas, cependant, il remarqua que le lion ne le suivait pas. Il s'arrêta donc et se retourna pour voir ce qui se passait. Le lion était étendu par terre avec une patte enflée et ensanglantée. Androclès pouvait y voir une grande épine. La souffrance d'une bête aussi noble le toucha. Il surmonta sa peur, s'approcha du lion et retira doucement l'épine. Puis, il banda la blessure avec un morceau de tissu déchiré de ses propres vêtements. Ainsi, Androclès et le lion devinrent amis. Malheureusement, Androclès fut ensuite capturé par les soldats de l'empereur. En tant qu'esclave en fuite, il fut condamné à combattre un lion affamé devant l'empereur et une grande foule. Ceci signifiait habituellement la mort. Le jour du combat, Androclès fut placé dans l'arène. Il se prépara à faire face à son destin. Un lion fut libéré d'une cage. Rugissant férocement, il bondit en direction de sa victime. Soudain, il s'arrêta. Il s'approcha lentement d'Androclès, lécha sa main, et en retour, il reçut une embrassade. Les deux amis étaient de nouveau réunis. La foule réclama la libération d'Androclès. L'empereur le convoqua devant lui. Lorsqu'il entendit l'histoire de cette amitié peu commune, il accorda à Androclès la liberté et relâcha le lion pour qu'il puisse parcourir les forêts. C'est de Aulus Gellius, 130 à 180. Alors que nous nous élevons vers l'excellence, plusieurs forces spirituelles sont à notre disposition. L'une de ces forces est la bonté, amabilité, bienveillance. Un simple acte de bonté peut venir à bout de la bête la plus féroce elle-même, comme le découvrit un esclave de l'Antiquité romaine.